Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public, de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 8. Histoire de la robotique. L'intelligence artificielle. Il est apparu depuis les années 1981 à 1990 un nouveau courant de l'intelligence artificielle portant sur l'embodiment, ce qu'on pourrait traduire par l'incorporation, ou l'incarnation, le fait d'avoir un corps. Jusque-là, le modèle d'intelligence des ordinateurs consistait en une machine intelligente et savante à laquelle on posait des questions, où on soumettait des problèmes, et qui y répondait. Mais, avec le développement de la robotique, l'idée qui s'imposait que l'intelligence n'est pas dans la machine, mais dans son interaction plus ou moins autonome avec son environnement, au travers d'un corps physique. Il ne s'agit plus d'une intelligence artificielle presque éthérée, mais d'un être intelligent dans sa manière d'interagir avec le monde. Ce qui donne une grande importance au fait qu'il a un corps, des capteurs sensoriels et une manière de modifier l'environnement qu'il va lui-même percevoir. Cela est souvent rapproché du modèle d'un bébé qui apprend à coordonner ses mouvements par une boucle de rétroaction à travers le monde, en voyant ce qu'il fait pendant qu'il le fait. Ainsi, les robots sont devenus, de plus en plus, non seulement le terrain d'un besoin d'une intelligence artificielle pour les rendre plus autonomes, mais également des outils expérimentaux pour réaliser une intelligence plus proche de celle des animaux que ne l'est celle d'un ordinateur joueur d'échecs, fût-il champion du monde. Toujours est-il que les grands espoirs illustrés par l'ordinateur HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, n'ont manifestement pas, encore, été satisfaits. À titre d'illustration, on signalera la gamme de coffrets Mindstorm produite par la firme Lego, réalisée en collaboration avec des chercheurs, et désormais disponible pour le grand public, qui permet de réaliser des robots en Lego, avec moteurs et capteurs sensoriels, et de leur programmer des comportements grâce à un ordinateur et un logiciel adapté. Fin de cette huitième partie, à bientôt. Grosse bise numérique.